Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le temps fort génération 4. Dois-je vous appeler Philippe Almeida ou fils? Fife. Eh oui, c'était le piège. Fife. Eh oui, parce que c'est forcément anglo-saxon pour le coup, la danse. Bah, après, il y a une dimension internationale, donc effectivement, ouais, il y a ce petit côté anglo-saxon, mais à la base, c'était juste une histoire de sonorité, quoi. Danseur, moi je vous ai connu et nombre d'entre nous, nous vous avons connu comme interprète et chorégraphe du groupe Prophénomène. Histoire qui est lointaine ou qui est toujours un peu présente dans votre esprit? Bah, qui est toujours présente de manière, on va dire, physique, inconsciente, parce que, ouais, de toute façon, ça fait partie de mon ADN, donc, oui, forcément, il y a toujours une part de cette expérience qui a été importante. Et puis après, la vie artistique continue sous de nouvelles formes. Mais voilà, j'ai toujours en moi toutes mes expériences que j'ai pu traverser, quoi, forcément. Figure emblématique, en effet, de la danse hip-hop, tant en France qu'à l'international. Alors, aujourd'hui, notre échange, c'est à la fois pour parler d'une performance, d'un événement qui aura lieu le dimanche 17 novembre, mais qui est en fait un élément d'un ensemble, d'un projet plus vaste, d'une résidence de création. Vous êtes artiste fil rouge pour trois temps forts organisés par la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, Point commun. Exactement. Pour les générations 4, 5 et 6, trois temps forts. Alors, ouais. Commençons peut-être par resituer, avant de parler de l'événement du 17 novembre, de resituer ce projet de territoire que vous menez avec votre compagnie Mouvmatique, qui est basée, elle, depuis bien des années sur Cergy. En fait, depuis 2013, donc l'association a son bureau au sein de Visage du Monde. Donc oui, effectivement, on a 6 bonnes années déjà depuis la création de l'association, qui fait la promotion des différentes formes de la culture hip-hop, et en particulier la création, l'événement et la transmission, qui sont nos trois axes essentiels de notre action. Action qui va se décliner au cours de cette saison culturelle ici à Cergy-Pontoise entre 2019 et 2020, parce que ça a déjà commencé depuis le mois de septembre, c'est bien ça? Effectivement, ouais, au mois de septembre, on a commencé avec l'ouverture de saison. On a présenté un premier temps pour l'ouverture de saison à Visage du Monde et aussi à la scène nationale. Donc, la scène nationale en particulier, c'était Digital Nature. Donc, c'était une performance au sein de Garden State, qui était la scénographie éphémère avec des plantes. Donc, c'était très nature, très vivant. Et puis, on a fait une performance autour de cet environnement naturel et digital, avec du son, avec de la danse et de l'interaction avec le public. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre que ce qui vous anime dans votre travail de création, voire de recherche, c'est le fruit d'une réflexion qui est née en 2015 à l'occasion d'un travail chorégraphique avec de jeunes danseurs guyanais autour de, on va dire peut-être de la thématique, je schématise, entre danse et art numérique. Oui, oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec Norma Claire sur le département de la Guyane, avec des jeunes, et c'est vrai que ça a commencé par un workshop, et puis forcément, de par l'énergie que ces jeunes proposaient, et puis aussi leur quotidien, il y a eu pas mal de choses qui, moi, m'ont interpellé, notamment, en plus de la rencontre avec ces jeunes, un article que j'avais lu sur, justement, la thématique de l'endurance face à l'ennui, parce qu'il se trouve que, voilà, notre temps est accaparé beaucoup par les outils numériques. Et donc, ça questionnait aussi la question de l'ennui. Donc, derrière ça, l'ennui, la créativité. Donc, de fil en aiguille, on a commencé à discuter aussi de la dimension du téléphone portable dans leur vie. Et c'est vrai qu'il occupait une place importante. Donc, à partir de là, j'ai commencé une réflexion chorégraphique qui a donné le nom au spectacle « Nous Parawatch ». On ne voit pas. On ne nous voit pas. Donc, voilà. Donc, c'est une thématique qui est, à partir de là, qui a commencé à nourrir ma réflexion. À tel point que cette réflexion, vous la partagez, vous souhaitez la partager avec bien ceux et celles qui vont participer à ces différents événements qui vont se dérouler au cours de la saison, dans le cadre de ce projet de territoire que j'évoquais. Vous dites, en termes d'intention artistique, j'aimerais sincèrement déclencher un début de prise de conscience par rapport à l'interaction qui se joue entre leur propre corps et toute action actuelle dans un futur proche ou lointain. Tout ça pour dire que vous réinventez ou vous inventez peut-être une gestuelle futuriste et qu'il faut en prendre conscience aujourd'hui, y compris pour les danseurs? Effectivement, je trouve que c'est une gestuelle qui existe déjà mais qui est inconsciente. Et puis nous, notre travail, c'est juste de rendre visibles ces gestes au quotidien et puis remettre de l'intention dans ces gestes-là. et pourquoi pas d'une forme artistique comme nous on peut le proposer sur la thématique du spectacle. C'est vraiment ça l'idée. Avec, cependant, n'oublions pas ce qui fait peut-être ce retour permanent aux sources, à savoir le recours aux danses hip-hop. Hélas, vous travaillez tant sur le travail en groupe, en collectif, que sur l'expression individuelle, ce qui est aussi peut-être les racines mêmes du hip-hop. Oh oui, on part toujours de là, on part toujours de l'énergie et puis la spontanéité, l'instinct qu'on retrouve particulièrement dans les danses hip-hop et la capacité aussi à improviser, le freestyle. Et pareil, après, il y a d'autres outils, il y a des chorés d'ensemble, il y a des rendez-vous entre la lumière, le son, l'espace. Et voilà, donc c'est ce qui va faire qu'après, j'arrive à organiser un travail chorégraphique. Février 2020, il y aura une conférence dansée sur les techniques hip-hop dans le cadre de Génération 5, et cela dans le cadre des rencontres chorégraphiques de Visage du Monde. Il y a effectivement tout ce projet est mené en partenariat avec tant Visage du Monde, la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise, mais également sur le centre de formation de la danse que vous connaissez bien, Sergi. Ouais, que je connais bien parce que j'y travaille. Et justement, l'idée aussi sur ce projet de territoire, c'était de croiser les différents lieux pour travailler sur un itinéraire et des migrations en fait des publics qui ne vont pas forcément en scène nationale ou qui ne vont pas forcément à Visage du Monde. Donc c'est aussi l'occasion de faire migrer les publics, faire découvrir aussi les danses à travers cette conférence dansée qui aura lieu en février. Et pourquoi le CFD? Parce qu'on a aussi une formation pédagogique en hip-hop justement qui a été mise en place depuis septembre 2018. Et donc c'est de faire travailler un peu les forces vives de Sergi tous ensemble et faire coexister et sur un projet qui a pour vocation de diffuser et d'informer en fait sur le caractère de ces danses. Ce travail, cette sensibilisation se poursuivra en avril 2020 avec et autour d'une pièce participative qui a pour titre Device. Alors Device, voilà, c'est dans la continuité de la réflexion. Donc c'est pareil, une pièce que j'avais proposée en 2017 avec une trentaine de danseurs amateurs à la MP2A. Et donc je reprends aussi ces matières chorégraphiques qui font partie de cette réflexion. Et justement, c'est une transmission en fait chorégraphique sur laquelle je vais m'appuyer pour justement travailler avec les publics qui se prêteront justement au jeu de cette expérience. Et surtout venir découvrir à la fois les danses hip-hop et venir découvrir aussi un travail chorégraphique autour de cette thématique-là. Passer des gestes du quotidien qui est en chacun de nous, en chacun des adolescents et des jeunes, voire des adultes qui participeront à ce travail à vos côtés, et en faire une participation chorégraphique, c'est ça, autour des nouveaux comportements? Exactement, voilà. Comment on va pouvoir chorégraphier ces nouveaux comportements et se les approprier. Et surtout derrière, après, c'est voir les possibilités aussi qu'offre le téléphone portable lorsqu'on le prend comme outil artistique aussi. C'est aussi ça le gros de la réflexion. Ce travail que vous menez de réflexion, effectivement, à cette occasion, qu'est-ce que vous avez, vous, peut-être découvert qui modifie peut-être la gestuelle, le mouvement dansé, comme on vient de dire, quand on parle de partition? Est-ce qu'il est effectivement question d'une nouvelle forme de chorégraphie? Nouvelle, quelque part, oui, parce qu'on travaille avec un outil qui fait partie de notre quotidien. Pourquoi partition? Parce qu'on va commencer à écrire une chorégraphie ou une succession de mouvements. Et c'est de se dire qu'à un moment donné, même les mouvements quotidiens, lorsqu'on rajoute un peu d'humanité ou du sens dans ces mouvements, ça devient des gestes chorégraphiques. Donc c'est de conscientiser aussi un peu le geste et l'intention aussi. Ce travail de création, ce travail de résidence et de relation intense avec la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise se poursuivra au mois de mai avec cette fois-ci la présentation d'un spectacle, d'une nouvelle création, Inside Data. Voilà, Inside Data, c'est le nom de toute cette réflexion. Ça veut dire que sous le manteau d'Inside Data, il y a quelques projets dont on vient de parler qui sont à la fois historiques et qui font partie de l'histoire de la réflexion de cette pièce. Et c'est le résultat final, donc c'est une installation avec des écrans, avec des vidéoprojecteurs, avec du contenu vidéo, de la danse, de la lumière, de la musique. Donc voilà, c'est ce qui va synthétiser un peu toute cette réflexion, qui va mettre en abîme un peu toute la réflexion que j'ai eue autour de cette thématique-là, qui est vaste, hein. Le digital c'est très vaste, il y a beaucoup de points d'entrée, donc j'en ai choisi quelques-uns, autour duquel j'ai pu travailler des tableaux avec des danseurs professionnels, et avec qui je suis encore en train de travailler à l'heure où je vous parle. Et la première sera donc à partir de 2020. Eh bien, on va patienter d'ici là, effectivement. Là, on va vers une forme d'hybridation du vivant, si j'ai bien compris. Voilà, c'est une nouvelle forme, enfin pas si nouvelle que ça, parce qu'on reprend vraiment des codes qui existent depuis des années, mais on les met au goût du jour et forcément, on en fait notre propre utilisation. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette pièce, le téléphone a une place particulière, le geste vis-à-vis du téléphone a une place particulière. Il y a toute une narration du regard sur laquelle on travaille, entre voyager, entre ce qui se passe à l'écran, ce qui se passe au plateau, ce qui peut se passer même à l'intérieur du téléphone. Donc voilà, c'est toute une narration sur laquelle on travaille et c'est une invitation au voyage aussi à travers ce spectacle-là. Venons-en à ce qui est le plus proche dans le temps pour nous et pour vous, ce dimanche 17 novembre, c'est cette semaine, c'est en fin de semaine, au Théâtre 95 à Cergy. Vous nous invitez pour un battle tout à fait exceptionnel avec des danseurs issus de techniques différentes. Quand on parle de danse hip-hop, c'est effectivement multiple. Il peut y avoir autant de styles qu'il y a de danseurs, parce que c'est une danse qui par nature se veut libre. Donc forcément, il y a des codes sur lesquels on arrive à se retrouver, des critères aussi où on arrive à établir des jugements. Mais c'est vrai que ça reste une expression libre par définition et qu'on invite justement ce dimanche à faire une réunion, une célébration de la musique, de la danse et aussi de réussir à communier tous ensemble le temps d'un battle, d'une compétition dans laquelle aussi on aura des shows. On aura de la démonstration aussi, et justement un extrait de la conférence dansée qui va faire un petit balayage des différentes esthétiques qu'on peut retrouver en danse hip-hop et forcément les formes émergentes aussi qui arrivent. La nouvelle génération aussi qui est aussi porteur de nouvelles formes de danse. Donc on va retrouver tout ça ce dimanche-là, donc orchestré par moi-même et mon équipe. Donc on a tout un programme, on a aussi des guests surprises qui vont se joindre à nous. Et puis voilà, j'invite vraiment tous les publics à venir découvrir et à prendre ce qu'on appelle la vibe de ce dimanche 17 novembre pour le Battle All Style à la scène nationale. Voilà, un véritable défi qui sera relevé, j'en suis certain, par tous les participants. Et donc, en plus, quand je dis un événement, puisque je vois que cela se clôturera en feu d'artifice, dansé avec un grand dance floor convivial et festif, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. L'intérêt, c'est de créer un hyperlieu dans un lieu qui, habituellement, ne reçoit pas ce type d'événement. Mais comme l'heure est à l'ouverture des frontières et dépasser un peu les clivages, je trouve que c'est une belle opportunité que de faire découvrir un lieu qui est juste magnifique et dans lequel on peut rapporter cette folie, cette intensité, cette densité des mouvements qu'offrent les danses hip-hop, quoi. Avec, voilà. Quand même, cependant, qui dit battle dit compétition, il y aura donc un vainqueur. Il y aura forcément donc un vainqueur parce qu'un des rites, si on peut dire ça comme ça, ou des pratiques dans les danses hip-hop, c'est forcément la compétition qui occupe une grande partie de cette nébuleuse hip-hop. Donc la compétition forcément met en jeu des participants. Il y aura des perdants, des vainqueurs et de belles surprises. Et à la clé, il y a un prize qui n'est pas un money prize, mais qui est un prix culturel. On peut dire un passeport pour aller voir et découvrir la programmation de la scène nationale et peut-être du festival Calypso qui viendra à Cergy très bientôt. Merci Faïs, on vous retrouve donc dimanche 17 novembre à 14h, à partir de 14h au Théâtre 95 à Cergy. Merci à vous. C'est ça, merci beaucoup.